cabane dans les dunes. Il venait d'un pays qui lui donnait rancune d'avoir croisé le fer d'une manière trop tenace avec des dictateurs aux libertés voraces. On se méfiait de lui dans notre village quand il venait nous vendre l'ombre des coquillages et qu'il nous racontait comment sa frêle esquive était venu s'échouer là-bas sur les récifs. Je garde le souvenir éphémère de le voir assis sur ce banc, jetant de toutes petites pierres entre les filets et les chalands. Il visait peut-être par misère nous tous qui l'avions mis au banc, quand son horizon chemin faisant l'avait laissé sur cette terre. L'étranger buvait trop, parfois plus que de raison. Il se perdait souvent dans de grandes digressions. Et comme ceux qui de leur faute s'aspergent pour obtenir crédit du patron de l'auberge. Même si c'était un homme qui avait eu de l'allure, qui avait dû en voir des vertes et des pas mûres, chacun était d'accord en ce qui le concernait. C'était un étranger, on pouvait l'accepter. Je garde le souvenir éphémère de le voir sur ce banc, jetant de toutes petites pierres entre les filets et les chalands. Il visait peut-être par misère nous tous qui l'avions mis au banc, quand son horizon chemin faisant l'avait laissé sur cette terre. Peut-être par misère.